nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila moja wenu mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tutasimama nje usome neno la Mungu. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia wanduku na wadada huko mtandao. Dans Daniel au chapitre 2. Danieli sura kapiri. Je peux avoir le micro cravate. Et tu vas sous le micro cravate. Daniel au chapitre 2. Mon Daniel est sur la capiri. Prenons le verset 40. Tout à chukwa moussara kia makoumine. Jusqu'au verset 45. Oufika pan makoumine na tano. Au nom de Jésus-Christ, Mungina la Yesu Christu. Ce matin, nous te disons merci. Yasubui, tunakupikia asante. Nous n'avons pas de termes pour compter tes bienfaits. Tunakosa misemu njua kuisabia mawema yako. Tu as fait tout ce qui est bon à notre âme. Ulifanya byote bikwa bizuri jwa nafsi yetu. Tu nous as nourri. Ulitulisha. Tu nous as vêti. Ulituvika. Tu nous as guéri. Ukulituponya. Tu as enlevé en nous toutes sortes d'inquiétudes. Na unatosha ndani yetu aina yote ya mangaiko. Tu t'es occupé de nous comme un véritable père. Et au-delà de cela, na atakushindia zaidi ya hili, tu nous as sauvés. Ulituokoa. Tu nous as pardonné. Utusamea. Tu nous as justifiés. Utuhesabia haki. Si nous nous sentons heureux d'être dans ta présence, kama leo tunajisikia kwa bahari kwa mopu yako. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Aina akusema tuko na nguvu kabisa. Hapana. Ou parce que nous sommes saints, nous nous sentons saints. Wala tunajisikia sisi tuko watakatifu. Nous nous tenons dans ta présence. Tumashimama mopi yako. À cause de la sainteté de Christ. Kwa ajili ya utakatifu ya Kristo. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Maintenant ce matin, Père. Sasa hivi asubuhi Baba. Comme des humains. Sabatu binafsi. Chacun de nous a des problèmes. Kila mmoja wetu yuko na mambo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper. Hakuna mtu mwingine anaweza kutushia mambo. Les mariés ont leur situation. Benye kwa mundoa beko na mambo yabo. Les célibataires ont leurs problèmes. Wala bana mundoa beko na mambo yabo. Les divorcés, les veuves ont leurs problèmes. Benye kuvunja la kutoka mundoa beko na mambo yabo. Mais qui peut satisfaire à tous ces gens? Mais lakini ule anazukuisha imambo abatu boti. Toi seul, tu es capable. Mwe peke dona uwezo. À ceux qui sont malades, Seigneur, dans les hôpitaux. Kwa bali benye kwa bagonjwa mwa hospitali. Il ne compte que sur ta grâce. Mena tumainia tunipa neema yako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Guéris nos maladies spirituelles. Ponye magonjwa yetu ya kiro. Guéris nos maladies physiques. Ponye magonjwa yetu mwili. Et remplis nos cœurs de paix. Na ujaze mioyo yetu na salama. Seigneur, nous parlons de la parole prophétique. Bwana, tunasemezia maneno ya unabii. Ce sont des choses difficiles à expliquer. Nibitu ya nguvu kukufasilia. Mais nous comptons que sur toi. Mais lakini tukuna tumainia tukwako. La promesse que tu nous as donnée, elle est suffisante. Malako wenyewe tupatia inesha kutosha shakwenea. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ulisema bote watafundishwa na Mungu. Que ce qui est à toi. Mbali yenye kwa kwa kwako. Ce qui est à toi. Ile yenye kwa yako. Qui peut nous conduire à la perfection. Inawezi kutongoza kukamilifu. Mêle sur notre langue. Uyeki palurimi yetu. Et ouvre l'intelligence des frères et sœurs. Non, ufungula akili ya bandugu na badada. Qu'on écoute comme écoute les disciples. Tushikie sabla mtume ashikiaka. Bénisse cette église. Bariki kanisa. Bénisse ce conducteur. Bariki baongozi yake. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma. Soit avec nous. Uwe nasi. Au nom de Jésus. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ici. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Il y aura un quatrième royaume. Utakuya ufalme aini. Fort comme du fer. Ya nguvu sawa kiuma. Ce royaume dont on parle, c'est l'Empire romain. Hii ufalme asema ni empire ya Kiroma. Nous le verrons plus tard. Ufalme ya Kiroma tutaona kisha. De même que le fer brise et rompt tout. Vile vile kiuma kinekalam kuvunja na kukata yote. Il brisera. Itavunja erompra tout na atakata yote comme le fer qui met tout en pièces. Sa vile kiuma kinakatakata kayote. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile des potiers et en partie de fer. Na pavile uliona mikulu kipande ya bulongo na kipande ya kiuma. Ce royaume sera divisé. Il est ufalme itakabulana. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Lakini mtakuwa ndani yake kitu kimoja cha nguvu ya chuma. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Sababu uliona chuma cha kuchangana na bulongo ba dimba. Et comme les doigts des pieds. Na sababu mi bilole ya mikulu. Étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ilikuwa kipande cha bulongo kipande ya chuma. Ce royaume sera en partie fort. Il est ufalme itakuwa kipande ya nguvu. Et en partie fragile. Na kipande ya kitekete kiasi kwa nguvu. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Sababu uliona chuma cha kuchangana na bulongo. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Sababu watajichanga kupitia maagano ya watu. Ils se mêleront. Watachangana. Par des alliances humaines. Kupitia maagano ya watu. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Lakini abata ungana mmoja na mwingine. De même que le fer ne salit point avec l'argile. Vile vile kiuma akiwezi kuungana na kiuma na bulongo. Regardez le verset 44. Ongea musala kia makumi ine na ine. Fika pana makumi ine na tano. Dans le temps de ce roi. Mwakati ya ule wale wafalme. Le Dieu des cieux suscitera un royaume. Mungu wa kumbingu ata lamusha ufalme moya. Qui ne sera jamais détruit. Ile aitaribikaka wala aitaribiwaka kamwe. Et qui ne passera point sous la domination de l'autre peuple. Na aitapita chini ya utawala ya ile ufalme ingine wala taifa ingine. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Atavunja na taribu ile maufalme yote. Et lui-même subsistera éternellement. Na yo yenyele ufalme itakuwa komileli. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Njele uriona ribo kutoka kumulima bila msaada ya mkono hata moya ya mtu. Et qui a brisé le fer, na ilivunja ile chuma, le rein, ile shaba, l'argile, bulongo, l'argent, feza, et l'or, na zabu. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Mungu mkubwa alionesha mfalme ile tafika kisha ile. Le songe est véritable. Ile ndoto ni ya kweli. Et son explication est certaine. Na hata fasilio yake ni ya uhakika. Vous pouvez vous asseoir. Musical. Je lis dans Luc au chapitre 2. Niko nasoma tena Luka sura ya 2. Luc au chapitre 2. Luka sura ya pili. Dans son verset 38. Musalaki ya makumi tatu na mnani. Étant arrivée elle aussi, naye parafika. À cette même heure, elle louait Dieu. Mulo wakati mmoja alimsifu Mungu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse tous. Depuis le début de cet enseignement, tangia mwanzo ya hii mafundisho, nous avons montré que pour Dieu, tulionyesha kwamba juu ya Mungu, il existe deux nations, il n'a que deux nations. Eko tu na mataifa mbili sur toute la terre. Pa dunia mzima. Dans la chair, il a Israël. Mumwili on a Israeli. Une nation que lui-même s'est choisie. Taifa yenye Mungu mwenyewe alichakula. Si toute la terre, il n'y en a pas deux. Pa dunia mzima hapana mataifa mbili, hapana. Il n'y en a pas trois. Haiko tatu, hapana. Un seul peuple. Lakini taifa moja tu. Une seule nation. Inchi moya. Une seule ville. Muji moya. Que lui-même s'est choisi. Il est yemunyari chakuria. Il y a Israël. Ko Israeli. Il y a les enfants d'Abraham. Atoto Ibrahimu. Et il y a la Jérusalem. Na kuku Yerusalema. Qui est même la ville du grand roi. Yenyekuya. La ville de Dieu. Muji ya mfala mkubwa, muji ya Mungu. Ça c'est dans la chair. Ile ni mumwili. Maintenant dans le spirituel. Sasa mkiro. Dieu a l'église. Mungu ona kanisa. Il a l'épouse. Ona bibi harusi. Et l'épouse, il a tiré parmi toutes les nations de la terre. Na bibi harusi alimtosha katikati ya mataifa yote hapa dunia. Dès le début, tangia mwanzo, nous avons dit ceci à l'église. Tulisema hivi na kanisa. Avec ces deux nations, c'est pamoja na hii mataifa mbili, Dieu a deux alliances entièrement différentes. Mungu eko na maagano mbili ya kuachana kabisa kabisa. Et il traite avec eux différemment. Na eko na tumika na kila mmoja namna ya kuachana. Quand Dieu traite avec Israël, wakati Mungu anatumika na Israeli, il met à côté les nations. Mataifa aniwekaka pembeni. Parce qu'avec Israël, sababu pamoja na Israeli, il traite avec lui, anatumika naye comme une nation. Sawa taifa mzima. Mais quand il vient chez les nations, mais wakati anakuwa huku mataifa, il traite avec chacun de nous, et onatumika na kila mmoja wetu, d'une manière individuelle, namna ya upeke. Faut pas oublier ça. Ile tushisahabu. Si vous ne comprenez pas ça, kama iya mfie mkielewa, vous aurez de la confusion. Nikusema mutakuwa na mvuruku. Pour différencier les écritures, juu ya kwanza kuachanisha maandiko, et vous placerez mal les écritures. Na mutaanza kuweka mubaya maandiko. Quand Dieu parle d'Israël, wakati Mungu asemeza yule Israeli, toi tu confondras cela avec le peuple. Utaanza kuona sema ni bibi harusi wala mataifa. Il faut différencier. Na fai kuyua ile achanisho. Nous avons dit dès le début, na tangia mwanzo tulimwambia kusema, que pour ce qui concerne le plan du salut pour Israël, kwa ile inangalia mapu ya wokovu juu ya Israeli, Dieu l'avait révélé à Daniel. Mungu alifunula kwa Danieli. Et cela est contenu dans les 70 mains de Daniel. Na ile inapatikana yote majuma makumi saba ya Danieli. Mais pour ce qui est des nations, lakini kwa ile inangalia kwa mataifa, Dieu avait tout révélé à Jean l'apôtre. Mungu alimfunulia yote mutume Yohana. Et le plan du salut est renfermé dans les sept états de l'église. Na mapu ya wokovu iko yenye kufunga mbizali saba ya makanisa. Et ces deux périodes, na hii mawakati mbili, sont se diffèrent l'une à l'autre. Inachana mmoja na nyingine. Maintenant, nous avons commencé à traiter, à parler d'Israël dans la prophétie. Ça, c'est tout l'endroit que c'est misé à Dieu à Israël, qu'est-ce qu'on habille. Et nous avons commencé par dire à l'Église que la totalité du plan d'Israël se résume en 5 points très importants. Nous avons parlé d'abord du choix. Cette élection que Dieu avait faite sur Israël. Nous avons parlé de l'alliance. Et après que Dieu ait choisi Israël et qu'il ait fait l'alliance avec lui. Avant même qu'il entre dans le pays de la promesse. Dieu avait déjà tout annoncé. Comme il est omniscient, il avait déjà tout annoncé d'avance ce qui arriverait sur Israël. Il est amphiqué à Israël. Depuis l'Ancien Testament avec Moïse, Dieu avait annoncé la dispersion d'Israël. Il serait chassé de son territoire et serait dispersé sur toute la terre parmi les nations. Dieu avait déjà annoncé qu'après sa dispersion, cette rupture n'était pas éternelle, n'était pas pour toujours. Dieu les rejetterait momentanément. Et après un certain temps, Dieu aura pitié d'eux. C'est pourquoi Dieu a prédit le retour d'Israël sur son territoire. Troisièmement, Dieu a parlé maintenant de la conversion d'Israël au Seigneur. Depuis les temps anciens, il a annoncé la délivrance d'Israël et le rétablissement du royaume d'Israël. Nous avons déjà parlé de quelques versets qui parlent de la dispersion d'Israël, du retour d'Israël, et vendredi et jeudi, nous avons parlé de la conversion d'Israël. Une chose très importante. Nous avons monté toutes les pensées négatives que Israël, que les nations avaient sur Israël. Et aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël. Kombozi wa Israeli. S'accomplira. Kuta timilika. Après le temps des nations. Kisha wakati ya hukuma taifa. Après l'enlèvement de l'épouse. Kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Quand l'épouse des nations est enlevée, wakati bibi harusi wa mataifa ananyanyuliwa, c'est à ce moment-là que la dernière semaine qui était restée aux 70 semaines de Daniel, joko maana ile juma ya mwisho ilibakia kwa majuma 17 ya Danieli, va commencer. Itaanza. Il y aura apparition de deux prophètes. Moïse et Élie. Moussa na Elia. Qui viendront prophétiser en Israël. Pour l'appel de 144 000. C'est après l'exercice de ce ministère. Qu'il y aura conversion d'Israël. Je parle Israël ya ta mimi. Et qu'il y aura la délivrance d'Israël. Na jo kombozo Israël ta onikana. C'est à partir ni mwakati de la deuxième moitié de la semaine de la dernière semaine de Daniel. Ya kipande ya pili ya ile juma ya mwisho ya majuma makumi saba ya Danieli. Nous en parlerons avec beaucoup de détails, soyez calmes. Na mubaketu utilizana tutasemezia hapo katika upana. Retenez ceci. Ushikevi. Bambe. Avant la délivrance Bele ya ukombozi, Israël doit passer par un temps d'angoisse. Israël atapitia mwakati ya magumu ya kusongwa. Un temps de trouble. Wakati moya ya mvuruko ya fujo. Un temps d'oppression. Wakati ya kusongwa. Un temps de grande agitation pour Israël. Wakati ya mateso ya mingi ya Israeli. J'aimerais que vous notez cela. Minapenda mupate kuandika ile. Avant sa délivrance. Mbele ya ukombozi ya Israeli yonekane. Israël traversera une période très difficile. Batapita mbele mumawakati ya nguvu kabisa. Que la Bible appelle. Ile Biblia kunaita. Le temps d'angoisse d'Israël. Wakati ya magumu wala mateso ya Israeli. Période dans laquelle. Mwile wakati. Israël sera opprimé. Israël batamusonga. Il sera persécuté. Batibateswa. Ou il sera troublé. Na wakati batamukurusha sana kwa adui yake. Mais dans tout cela. Lakini mubile biote. La victoire finale. Ushindi ya mwisho. Sur les ennemis d'Israël. Lulu ya baadu ya Israël. Va se manifester. Itaonekana. Dans la bataille d'Armageddon. Mu ile vita ya Armageddon. Israël va passer par ces temps d'angoisse. Israël atapitia mwile wakati ya magumu ya kusongwa. Mais sa victoire finale. Mais lakini ushindi yake ya mwisho. Sur tous les ennemis d'Israël. Yulu ya baadui yake. Va se révéler dans la bataille d'Armageddon. Itaonekana ni mwile vita ya Armageddon. Il n'y a pas longtemps, une question m'avait posée sur la guerre d'Armageddon. L'Armageddon. Et cette guerre qui va précéder le règne de 1000 ans. Ni il invita itatanguria utawala wa miaka 1000. Mais la guerre de Gog et Magog, c'est après le 1000 ans. Lakini ile vita ya Magoge Magoge itakuya nikisha utawala ya miaka 1000. C'est pourquoi depuis les temps anciens. Dans l'Ancien Testament déjà, les prophètes qui nous ont précédés ont parlé de ces temps d'angoisse pour Israël. Dans Jérémie au chapitre 31. Nani, fais Jonathan. Tu dois fournir un effort. Wanze kusoma imashiku yote hii sana Biblia. Kama unona termo moya. Nani mze? Ile dictionnaire ya Swahili kwa. Umupachie. Sasa kama unaisha kuinterprete. Eye toujours l'habitude hein. Ya kuikala pa we mwenyewe kwanza kushikia vile we uliinterprete. Ça va vous permettre de vous corriger. Dans Jérémie 30. Jérémie makumi tatu. Verset 1 à 8. Msara kwanza na mnani. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ce mot. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dit. Que je t'ai dites. Voici. Les jours viennent. Dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils les posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Au verset 5. Ainsi par l'Éternel, nous entendons des cris de froid. Non. Yaboka. Nous entendons des cris de froid. C'est l'épouvante au Gamounene. Ce n'est pas la paix. Salama. Dieu dit à Israël, il dit à Jérémie. Certainement mon peuple sera ramené dans le pays que je leur ai promis. Ils posséderont le pays de leur père. Mais je le vois. Quand ils sont sur le territoire. J'entends s'élever au milieu d'eux les cris qui font peur. Vous voyez, naona. Et je ne vois pas la paix. Salama. Informez-vous. Et regardez si un homme enfante. Na mone kama mutu atazala. Pourquoi vois-je tous ces hommes les mains sur le rein? Juanini nikunaona aba batu bote mikono pa. Mikonona bantu bote banaume bote. Hein? Mikono mukivuno yao. Comme une femme en travail? Sawa mwanamke mu mateso ya kuzala. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? C'est vrai. Israël de doit enfanter les 144 000. Israël a pas épousé là-bas les 144 000. Il sera dans les douleurs. Matakuya maumivu. Ça sera un temps difficile pour eux. Itakuwa ni wakati ya magumu sana kwao. Après qu'ils se soient rassemblés sur leur territoire pour attendre le Messie. Bokurudia mujimbo yabo jua kuchunga Messia. Malheur, verset 7. Musara kia saba ole. Car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. C'est un temps de grande tribulation pour Israël. Mais Dieu lui-même viendra le délivrer. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne te domineront plus. Voyez frère. Voyez sœur. Depuis le temps ancien, Dieu avait déjà vu qu'après le retour d'Israël sur son territoire pour attendre le Messie, et avant la délivrance, ils doivent passer un temps d'angoisse. Un temps d'angoisse pour Jacob. C'est vrai, frère. C'est comme dans la nature. Aucune femme ne peut enfanter sans douleur. Aucun homme ne peut naître de nouveau sans douleur. Même avant l'enlèvement de l'époux des nations, il y aura un temps où il y aura pression du conseil communique des églises. Il faut s'attendre à ça. Et pour Israël, Israël, il va traverser presque la même expérience. Ça sera un temps difficile pour eux. Daniel en parle. Daniel dans Daniel au chapitre 7. Daniel, au chapitre 7. L'église est avec moi. Daniel chapitre 7. Daniel Saba. Prenons le verset 20 jusqu'au verset 22. Nous prendrons le verset 25 jusqu'au verset 26. Et sur les 10 rois, sur les 10 cornes, na yulu ali mapembe kumi qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne, il y avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance. Et plus d'une grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et emporter sur eux. Na nikaona hii pembe kufanya vita kwa takatifu na kubeba ushindi uliabu. Quand le temps de l'angoisse viendra, nous allons expliquer tout. Et facilia yote wakati ile ya mateso itafika. L'antichrist s'élèvera. Pinga Kristu atashimama. Pour faire guerre à Israël. Israël. La petite corne. Nous allons tout expliquer. Fera la guerre au sein à Israël. Et l'emporter sur elle, sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arrivera où le saint fut en possession du royaume. Watakatifu walishika ufalme. C'est un angoisse pour Israël. Wakati ya mateso juu ya Israeli. Prendra fin. Tamalizika. Avec la délivrance de Dieu lui-même. Na ukombozi ya Mungu mwenyewe. Israël ne va pas se délivrer lui-même. Israël atajikomboa yeye mwenyewe hapana. Les nations de la terre viendront contre lui. Comme elles ont de mauvaises pensées, à leur tête, le pape de Rome sera là. Ils vont faire la guerre à Israël. Ils vont l'emporter. La force d'Israël sera brisée. Wakati nguvu ya Israel itamalizika. C'est à ce moment-là. Wile wakati. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Wa milele wa uwezo yote. Va intervenir en faveur d'Israël. Atakuya kusaidia Israel. Pour anéantir toutes les nations. Juu ya kuharibu sasa mataifa yote. Les ennemis d'Israël. Wa adui ya Israel. Ce temps-là le wakati, n'est pas loin. C'est pour bientôt. Nimu, apa sasa. Regardez le verset 25. Na, mangare, musake, makumbi. Pendant ce temps-là, le wakati, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Atasema masemu mbaya juu ya milele. L'Antichrist, pinga Kristu, pendant cette période-là, le wakati, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Avant que l'Antichrist ne soit dépouillé de son autorité par le Seigneur lui-même, il va commencer la guerre à Israël. Il fera la guerre à Israël jusqu'à le vaincre. Pendant cette période-là, Satan va s'incarner entièrement dans le pape de Rome. Il aura tout le pouvoir de Satan en lui. Il voudra faire ce qu'il voudra. C'est pourquoi vous voyez l'écriture d'ici. Je commande à Andy quoi, c'est ma part. Pendant cette période-là, alors que Satan est incarné en lui, il espérera changer même le temps Et même la loi. Voyez. Mais il ne va pas changer l'évangile. Il voudra changer la loi de Moïse. Sur laquelle Israël est fondé. Et pendant cette période, Israël sera livré entre ses mains. Israël est attaqué comme il y a. C'est un temps d'angoisse. Un temps difficile. Et même le temps est déterminé. Cependant, 3 ans et demi, pendant la grande tribulation, Israël va passer un moment difficile d'angoisse. Dans Daniel chapitre 12, dans son verset 7, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront car la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le peuple saint, c'est Israël. Pendant ce temps d'angoisse, ses ennemis seront contre lui. Comme ils ont toujours eu l'envie de le détruire et de l'effacer complètement, d'effacer le nom d'Israël sur la terre et de l'effacer sur son territoire, la guerre sera très compliquée. Mais Israël sera sauvé. Il sera délivré par la main du Tout-Puissant. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ça sera un temps d'angoisse de Jacob. Cette période d'angoisse, Jean de l'Apocalypse l'a vu et le décrit dans Apocalypse 16. Et cette période-là se caractérise aussi par le versement de cette coupe de la colère de Dieu. Ça sera compliqué. Ça sera une période qui n'a jamais existé sur la terre. Israël va souffrir. On va le tuer. Mais si Dieu n'était pas leur défenseur, il serait complètement anéanti. Bien aimés frères, on en a bien tout qu'on a semé à Yulia Israël. Les choses que nous parlons sur Israël, Sadachi, Wenami, vous et moi, tu es bien spirituellement parlant. Nous devons le prendre au kiro. Frère, donc, sœur, regarde. Ensemble avec le païen sont nos ennemis directs. Si aujourd'hui vous voyez qu'il semble nous honorer, nous respecter, c'est à cause du Saint-Esprit qui habite nos cœurs. Et le Saint-Esprit qui est encore sur toute la terre, en train d'œuvrer en faveur du salut des élus. Le jour que l'épouse sera enlevée, alors que le Saint-Esprit sera enlevé dans l'épouse, ils seront ensemble pour persécuter quiconque se disait croyant du message du temps de la fin. Qui est qui connaît tout chunga? C'est qui nous conserve. Non, nous n'avons pas connu tout chimie, hein. Et le peu d'honneur qu'on nous donne. Dieu, il y a présence, il y a Rome takatif, dans il y a dunia. De la présence du Saint-Esprit dans le monde. Comme Rome takatif, il n'a pas comme mudunia. Saint-Esprit qui donne. Bantu batanza kutenda. Les gens vont commencer à agir. Sabia majimu. Comme des fous. Quand l'épouse monte, le diable descend. Nous en parlerons. Et la Bible dit, il descend animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. On va l'anéantir. Il va travailler avec sa dernière énergie. C'est pourquoi aujourd'hui, Léo, c'est un jour favorable pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est un jour Léo, de grâce, un jour du salut. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Israël. Va traverser cette période. Atapita mwiyo wakati. Mais son seul secours. Lakini musada yake moja tu. Pendant ce temps d'angoisse. Mwiyo wakati ya mateso. C'est seulement Dieu. Ni paka Mungu. Bien aimés frères et sœurs. Wapendwa nduku na dada. Tutawezi kufuanya biote tunapenda muhimu. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans ce corps. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, nous pouvons tisser comme on veut. Tisser nos amitiés comme nous voudrons. Mais je vous dis, frère, la kini ne m'aime bien nduku. Il n'y a aucune garantie. Akuna atikisho atamoya. Il n'y a aucune sécurité. Akuna ukingo atamoya. Pai dunia. Nous n'avons pas de sécurité. Atuna na ukingo. Notre seule sécurité, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'espoir. Atuna na tumaini. Nous n'avons pas un homme en qui nous pouvons mettre notre espoir. Content de malheur, il peut nous assister. Anaweza kwa frère, attends, franga yako, même ton argent ne vous aidera pas. Baba yako, ton père, votre père ne vous aidera jamais. Mama yako, votre mère ata kusaidia. Ne vous aidera jamais. Banduku yako, badada yako, bayomba yako, abata kusaidia utamba. Pas à t'aider mon wakati ya magumu. Mais un seul mais la kini mutu moja qui peut te délivrer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons tout ce que nous faisons, mais ayons confiance en Jésus. Si vous faites confiance maman à votre papa païen, votre maman païen et tes frères païens, tu te trompes. Quand ils te regardent, wakati wa kuangalia, ils sont en train de grincer les dents. Vous voyez, si vous voyez aujourd'hui, quand un chrétien meurt, wakati mkristo anakufa, angalia kama frère anakufa, regardez quand un frère, regardez le comportement de la famille, angalia namna kutenda kwa mtu, la veuve, kwa muyani. Regardez quand une sœur meurt, regardez le comportement, angalia kutenda. Oh, de la belle famille. Kwa bakoyake, njua ule anafisha. Bile tunaona kabile. Ce que nous voyons, ni kiloko. C'est peu. Ce n'est rien du tout. Le même personne avec qui vous étiez en paix, et toi tu pensais que vous étiez en paix, c'est ton beau ou ta belle-sœur qui a pensé que vous aimez, le jour où le problème arrive, c'est lui le premier qui sera le bénir. Le commandant pour te persécuter. Ah, monye konongoza jubato ba famille kutesu. Tu fanya yote tu konafanya. Faisons tout ce qu'on peut. Mais tu chunge Mungu maisha yetu. Gardons Dieu dans notre vie. Il est notre dernier rempart. C'est lui notre bouclier. C'est lui notre délivrance. Quand tout le monde nous abandonnera, nos maisons et notre argent, nos amis nous abandonneront. Notre argent ne saura pas nous sauver. Mais lui, Jésus, va nous délivrer. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Dans tout cela, la cause principale de la guerre d'Armageddon, il évite Armageddon, sera Jérusalem. Itakuya Jérusalem. Ce qui va provoquer cette troisième guerre mondiale. Il est itanzisha invité. Nous avons eu la première guerre mondiale. Nous avons eu la deuxième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est Armageddon. Et la quatrième guerre mondiale, c'est Magog et Magog. Takuya ni Magog et Magog. Magog et Gog. Et Gog. Vous voyez. Non. La cause de la troisième guerre mondiale sera Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? L'amour de Dieu pour Israël. Lui apporte la jalousie des nations. Et amlete a buivu kuma taifa. Même aujourd'hui. Ataleo. L'amour éternel. Mapendo que Dieu a envers Israël. Dieu Mungu na onekanisha kwa Israël. Est la cause de toute la jalousie. Yai buivu. Quelle nation? Mataifa. En contre Israël. Ikuna yule Israël. L'amour de Dieu pour Israël. Vous voyez, a suscité dans les nations la haine contre Israël. Les combats contre Israël. La convoitise contre Israël. La colère. Vous voyez. Non. Les nations sont en colère contre Israël. Pourquoi? Seulement à cause de l'élection de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Quand Israël parle, quand il défend ses causes, quand il défend son Dieu, il défend sa loi, la loi que Dieu lui a donnée, tout le monde dit c'est un orgueilleux. Nous aussi, nous sommes des créatures de Dieu. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Sur toutes les nations de la terre, ni pas qu'à la Yuda, Jova le Mungu wa Kumingu, Anaitaka Kusema, ni Batoto Yake. Ce sont ses enfants. C'est vrai, frère. C'est comme je le disais dans les jours passés. Pablo Machon, RDC, ça c'est faux. Même les Romains ne sont pas un peuple de Dieu. Même les pays, la terre de Rome n'a jamais été choisi. Un seul pays saint pour Dieu, c'est Israël. Une seule ville sainte au monde. Une seule ville sainte. Pas deux. Une seule, c'est Jérusalem. Jérusalem. Ce n'est ni Mankamba, ni New York ou n'importe quoi, ni Rome. Il invita la guerre Itaku Yako avant que Israël a combolé. Sera là avant qu'Israël soit délivré par Dieu. Il a été Ichokoza. Et ce qui va causer, qui va déclencher Jérusalem. C'est Jérusalem. La ville du grand roi. Mouji yamfana mukubwa. Regardez-moi aujourd'hui. Tout le monde Matuboti veut s'approprier de Jérusalem. Bonapenda kunyanganya Jérusalem ipate kwa muji mkubwa. Elle n'est pas la plus grande ville. Aina ta muji mkubwa kabisa. La plus grande ville au monde. Aina ta muji mkubwa mdunia. Non, bien mes frères. Bien que c'est une ville spéciale qui est construite d'une manière spéciale. Une ville qui est construite sur les milliers de collines. Mais à la voir physiquement, elle n'est pas spéciale. Il y a des endroits, il y a des avenues. À Jérusalem, il y a des trous. Vous arriverez à un endroit. On y entasse des saletés. Quand vous allez au marché, au grand marché de Jérusalem, il y a des voleurs. Les ravisseurs, ils sont là. Jérusalem. Ils sont là aussi. Bandumba, les prostituées, les homosexuels, ils sont aussi à Jérusalem. Mais le monde n'a jamais compris. Mais la Kidudouya, Mouzima, les Waka. Pourquoi cette ville Djuali, il est Mouji, fait la convoitise Nikalaga, Mkule, de toutes les nations. Yamataifa yote. Les Arabes ne sont même pas satisfaits, les musulmans ne sont même pas satisfaits de leurs mecs. Ils sont les plusieurs villes qu'ils appellent saintes. Mais néanmoins, quand on parle de Jérusalem, ils veulent encore s'en approprier. Les Romains, l'église catholique, leur ville sainte, Vatican. Mais à quoi moi, Bayouda va combattre avec Vatican? Mais laquine, les Juifs ne l'ont jamais pour prendre mec, Vatican. Non. Ils ont laissé leur ville. Les catholiques. Les catholiques. Jérusalem. Manapenda par Jérusalem. Unakuta Moule. Vous trouverez là-bas. Comme ceux qui avaient colonisé. Unakuta Jésus. Unakuta Jésus. Vana yenga nama site touristique Yabongo. Même leur site touristique mensonger. Quand vous allez à Jérusalem. Quand vous allez à Jérusalem. Il est fâché par les baptisés à Jésus. Il y a un endroit où il y a les catholiques ont fabriqué aussi. Même Golgotha. Pourquoi il y a des catholiques? Il y a Golgotha catholique. Maintenant, il faut avoir un véritable guide. Tu es d'accord que réellement, par ma site, il est en bas. Il est sur des sites réels. Où on avait baptisé Jésus. Là où on avait baptisé Jésus. Quand vous tombez parmi les conducteurs, les guides catholiques, ils sont beaucoup de sites pour coûter l'argent. Dieu a makuta, bien ma site na boya boya bongo. Vous voyez, frère. On en a d'autres. Vous voyez, sœur. Je disais ceci. Jérusalem sera la cause. Dieu itakuwa sababu yenye. De la guerre d'Armageddon. Ya vita ya Armageddon. Qui est la troisième guerre mondiale. Yenyekuya vita tatu ya ulimwengu mzima. Et cette guerre-là. Na ile vita. Viendra. Itakuya. Quand l'épouse ne sera plus sur la terre. Wakati le bibi arusi atakwasha kutoka pa dunia. Dans Zacharie au chapitre 12. Zacharia. L'église est avec moi. Zacharie chapitre 12, Zacharie, verset 2, 3. Pour aller vite, je prendrai 5, 9. Voici. Je ferai de Jérusalem une coupe de tourdissement. Pour tout le peuple d'alentour. Et aussi pour Judas. Dans le siège de Jérusalem. Israël. Israël est le seul pays au monde qui existe parmi ses ennemis. Il est entouré avec les ennemis. L'Église est avec moi. Israël est le seul pays qui est entouré uniquement par ses propres ennemis qui veulent sa destruction. C'est pourquoi vous remarquez tous les voisins d'Israël s'agitent. Beko nangaika ngaika. Vraiment beko na kijungujungu. Ah, ils ont les gens ne comprennent pas comment un petit pays. Namna kainchika loko. Un petit pays. Kainchika loko sana. Me pèse tellement. Na kidike kona uzito. Sur ses voisins qui sont plus puissants que lui et même sur le monde. Frère, même quand à l'ONU on parle d'Israël, tout le monde devient sérieux. Tout le monde s'énerve. Mais c'est un petit pays. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Les 99% du territoire, d'Israël, Israël, c'est le désert. Django. Ce sont les montagnes. Mabilima. Mais pourquoi il est tant convoité? Regardez comment Mangari, ce petit pays résiste aux puissants. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Cet homme viendra. Toutes les nations de la terre seront contre Israël. Mais c'est une pierre pesante. Regardez quelqu'un qui a l'occasion. Ces petits pays. Quand les Iraniens piquent au cœur, ils vont frapper ces gens-là. Ils ont des armes, on dirait le pierre de David. Les responsables de Hezbollah, de façon, ils sont en train de découvrir. Même si si le monde pouvait comprendre ça, il devait craindre Israël. Mais ils ne comprennent pas ça. Mais même aujourd'hui, les gens ne nous comprennent pas. Nous sommes comme les autres. Tout ça bat tout bote. Il n'y a rien de différence. Quand vous nous regardez dans la chair, nous mangeons la même nourriture, nous avons la même maison. Nous avons le même lit. Nous fréquentons le même marché. Quand vous nous regardez au visage, nous sommes presque pareils, mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Dans nous, il y a Dieu qui a créé mais dans leur cœur, il y a les diables. Israël apparaît comme un pays ordinaire, mais c'est un pays de Dieu. Voyez, frère. Non, Andou. Voyez bien, mes sœurs. Le temps viendra. Wakati tafika. Où la pierre où il est, où Jérusalem sera la pierre pesante. Il est Jérusalem itakuya aribo abuzito. Une coupe d'étourdissement. Kikombe qui a coulé tak jungu jungu dans le visha. Mais malgré ça. Mais la kini ta ville. À cause de leur haine. Pour l'amour que Dieu a envers eux. Ils seront haïs. Et ils sont déjà haïs. Regardez le verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur. Les habitants de Jérusalem sont notre force. Pas les ténèbres des armées, leur Dieu. Même aujourd'hui, frère. Nous avons un premier ministre, un président. Quand vous voyez le premier ministre et le président. Même Léo, même aujourd'hui. Oui, ma conflit, il y a eu ça. Même avant la guerre. Aujourd'hui, avant la guerre d'Armageddon. Armageddon. Avant le départ de l'épouse. Quand lorsqu'ils sont beaucoup opprimés. Munaona, et vous voyez que premier ministre, le premier ministre. Avec le président. Non, avec les rabbins. Barenda le kumir de lamentation. Prenant des papiers, et là-bas dans des fentes. Vous allez le voir en train de prier là-bas. Cela veut dire. Regardez après. Dieu les écoute. Ils ont qui pendent tout. C'est la moitié de mur de l'ambassade. Dieu n'a quoi fâché pour adorer. En attendant que Bayeng. Congolais, la construction. Lorsque les choses deviennent compliquées, c'est pour chercher Moussada, le recours de Dieu, de leur Dieu. C'est ce qui fait même hein, y a Benjamin, la force le premier ministre actuel. Les, lui, il voit Israël dans le cadre prophétique. C'est pourquoi il ne cède pas. Même sans l'Amérique, nous avons Dieu. Nous combattrons nos ennemis. Frère, Israël ne s'appuie pas tellement sur les bras des Américains. Et ils connaissent leur position. Ils savent que Dieu nous a rétabli dans notre pays. C'est pour attendre. Mais pendant que nous attendons le Messie, c'est ce qu'il nous a dit. Il n'y a aucune nation qui nous fera quelque chose. C'est la position que doit avoir un chrétien lorsqu'il est attaqué par les démons. Même si la maladie dites que parce que Miko, parce que je suis un enfant de et Dieu. Et Dieu, fais sur moi. Et qu'on a qu'est-ce à lui. On doit avoir cette confiance-là. Un chrétien, il a confiance en Dieu et il a confiance en lui-même. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. L'Éternel désarmé. Pas l'Éternel des armées, le Dieu. Les habitants de Jérusalem sont notre force. Pas l'Éternel des armées, le Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois. Comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche et tout le peuple des alentours. Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord la tente de Judas. Sauvera les tentes de Judas. Afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Judas. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et les faibles parmi eux. Le faible, Mouzaïf, parmi eux, sera comme dans les jours, sera dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ce temps-là est devant nous. Il viendra certainement. Et Jérusalem sera là. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a promis. Ses tentes seront sauvées. Oui, bien-aimés frères. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui. Quand les Syriens commencent la guerre, ils vont aller frapper dans leur cœur. C'est pour accomplir cette portion de l'Écriture ici. Il va frapper. C'est de gauche, il va frapper. Égypte, il est prudent. Depuis qu'on lui avait frappé dans la guerre 60, aujourd'hui, il s'est fait la guerre avec Israël. Il sait que ces gens-là, les Égyptiens ont eu une très grande leçon. Il va frapper. Il dévore petit à petit. Et on a piqué pour l'épaule, pour l'épaule. Il fait des dégâts. Et on a fagna, un arabiche. Il va frapper. Hier, je suivais. Il m'a piqué. Le frappe qu'il a fait, c'est un temps. Donc Israël a affaibli complètement les Iraniens. On a léqué sa cabisa aux Iraniens. Même leur économie est complètement affaiblie. Mais comme ce sont des gens qui sont habités par les démons, les démons sont téméraires. Vois bien mes frères. On a dû comprendre. Voyez bien mes sœurs. Tout ça, il est ôté. S'il y aura une guerre d'Armageddon, c'est seulement à cause de Jérusalem. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Zacharie chapitre 14. Zacharie, Kuminaini. Verset 1. Jusqu'à verset 3. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel combattra. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra et combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Wakati vita, lorsque la guerre itakuya nguvu, sera très difficile pour Israël. Dieu à Israël. Et l'Antichrist. Na mupinga Christu. Et les nations qui seront derrière l'Antichrist. Na mataifa ile takwa kumkongo ampinga Christu. Quand Israël va se sentir vaincu. Wakati Israël atashikia sema anashindiwa. C'est à ce moment-là. Ni muide wakati. Que Dieu lui-même. Dio Mungu yeye viendra pour combattre pour Israël. Ya kumkombania Israël. Et détruire ses ennemis. Na kuharibu adui ya Israël. La victoire d'Israël. Ushindi ya Israël. N'est pas dans ses armes. Aina masila. Même dans ses armes biologiques. Ata masila yake. La victoire d'Israël. Lakini ushindi ya Israël. Se trouve en Dieu. Se trouve en Jéhovah. Se trouve en l'Éternel leur Dieu. Ndani ya milele Mungu wabo. Oui bien-aimé frère. Ndio ndukumpendo. C'est Dieu qui leur donne la victoire. Comme Dieu nous donne la victoire. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Quand vous prenez Zacharie. Parce que Zacharie en a beaucoup parlé. Frère. Ma sœur. Jérusalem, Bayouda. Jérusalem, Bayouda. Les Juifs. Jérusalem. Jérusalem. Na Israël. Hein? Israël. Abana sachi abana. Pas comme nous, non. Ni bantu bengini mwili. Ils sont tout autres dans la chair. Zacharie chapitre 1. Zacharia sura ya kwanza. Regardez le verset 14. Mangaya musa ya 14. Et l'Éternel qui me parlait me dit. Crie et dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car j'étais irrité que peu irrité. Mais, elles ont contribué au mal. J'étais irrité pour un peu de temps. Mais ils ont exagéré. Vous voyez? Elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rétablie et le cordon sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore du bien en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Oui, bien aimé frère. Les défenseurs d'Israël. C'est Dieu lui-même. Notre défenseur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Aucun démon ne peut nous vaincre. C'est pourquoi il nous défendra au jour du malheur. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Les gens ont haï Israël sans cause. Bato alichukia Israeli pasi po mambo. Bana muchukia bila mambo. Ils ont haï Israël sans cause. Comme les gens aussi nous haïssent sans cause. Parce qu'ils ont haï notre Seigneur sans cause. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi quand Dieu lui-même parle, regardez comment il parle dans Isaïe 62. Regardez comment il parle dans Isaïe 62. Pour l'amour de Sion. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu, dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, divorcé. Dieu avait divorcé avec lui pour un temps. On ne nommera plus la terre désolée. Désolée. Voyez. Mais on t'appellera. On t'appellera. Mon plaisir en elle. Et l'on appellera. Ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteiront ni le jour ni la nuit. Ils ne vont pas s'éteindre. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les filles de l'étranger ne boiront plus ton vin. Produit de tes labeurs. Vous voyez, frère. Voyez, sœur. L'amour de Dieu a suscité dans toutes les nations de la haine contre Israël, contre Jérusalem. Oui, bien-aimé frère, mais Dieu, il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de Jérusalem. Quand le moment viendra, lui-même, il va défendre son peuple. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Après cette période d'angoisse, Dieu viendra pour le délivrer. Mais avant la délivrance, avant la délivrance, Israël doit passer Israël na pasha kupitia par des moments les plus difficiles. Mwakati ya nguvu zaidi. Les nations chercheront Mataifa itanza à régler des comptes avec lui. Kwanza kumulipisha Israeli. Si Dieu n'était pas pour Israël, kama Mungu asikuwa kungambo wa Israeli, Israël serait anéanti. Israël va pas kuharibu kwa lote. Mais celui qui défend Israël, mais lakini ule na kombania Israeli, est vivant. Ni mujima. Aussi longtemps il y a le soleil qui éclaire le jour, aussi longtemps il y a les étoiles et la lune pour éclairer la nuit, Jérusalem, Israël ne cessera pas d'être une nation d'évangile. Qu'il soit par tout le monde, mais il est le bien-aimé de l'Éternel. C'est vrai, frère. En tant qu'époux de Jésus, la haine des gens ne nous fait pas trembler. Maman, Yamou Christ, le problème des chrétiens, c'est de garder la parole de Dieu, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Même dans le monde, vous aimez, Dieu vous aime. Même si le monde Dieu te défendra et vous aurez la victoire. Ushindi utaipata. Mungu amibariki jua ya asubuhi. Nous sommes un peuple heureux. Si et tout taifa ya heri. Il m'a promis sur Israël Dieu m'a promis nous maudira, sa malédiction il retournera. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atfashe neema. D'être toujours dans sa volonté. Prions-nous tous ensemble.